Check out the technique. Check out the technique. Check out the technique. Yo, yo. J'ai pas besoin d'un rap vagalame, pleurer sur le macadam. De flâner avec des gamins là, toute plane et j'en suis flagada. Pas besoin de futilité, vu que je suis déçu depuis des lustres. Des putes et des potes factices depuis fétusé. Oh la rousse du stress cherche un nom à trahison. Ben mais non canalisons, mène la cargaison de nos haines. Banalisons leur fais et gestes, le rack. Après tout pour qu'ils me détestent, j'ai juste besoin d'un rap. J'ai pas besoin de faire sans plan, faire des mecs au flow sans gland. Face aux mènes tous pensant que mes textes sont tous en chant. La street se ressent dans mes textes, mais pas de manière ex. Explicite, j'explique, ça me vexe de faire défiler les cliché le russie tout sur le fond. Refaire la rime sans foiser, sinon je touche le fond. Mon rap puisse le caler, fais de moi son allié, je prône la sincérité dans mes rimes, j'ai juste besoin d'un mic au fond. Je lâche des phases, on me dit mec, t'as besoin d'un mic. Crache mes phrases et en direct, t'as besoin d'un mic. Lâche pas trop, mais si tu testes, t'as besoin d'un mic. Besoin d'un mic, come on, besoin d'un mic. Je lâche des phases, on me dit mec, t'as besoin d'un mic. Crache mes phrases et en direct, t'as besoin d'un mic. Lâche pas trop, mais si tu testes, t'as besoin d'un mic. Besoin d'un mic, come on, besoin d'un mic. Besoin de musée expo pour dire que mon rap. Encore moins d'user des mots pour dire que mon rap est une arme. Ça se diffuse vite, trois. Je m'excuse mille fois. J'ai touché le mille, je crois. Tout s'accuse quittera. J'ai pas besoin de vingt des mains et mains. Fois de faire semblant d'être celui qui éclate les enceintes, toi. Tu dis que t'y arrives, toi. Mais je te pénalise, moi. Ton flow, je l'analyse et tu te retrouves en bas de malice, gars. J'ai pas besoin de vos scènes. J'ai pas besoin que l'on traîne dans mes affaires, car dans le son, j'ai pas besoin que l'on m'aime. J'ai pas envie d'un beat fat ni de gros fit. Juste qu'on puisse dire car si qu'est pas que pas que les néophytes. Besoin d'un track, j'donne ma vie, mon rap. Comme des écrits fat, j'cogne à la mode Tyson. J'ai vu des tas de bonnes équipes qui rappent comme les autres et face à ça, j'ai juste besoin d'un mic. J'lâche des phases, on me dit mec, t'as besoin d'un mic. J'crache mes phrases et en direct, car besoin d'un mic. Lâche pas trop, mais si tu testes, t'as besoin d'un mic. Besoin d'un mic, come on, besoin d'un mic. J'lâche des phases, on me dit mec, t'as besoin d'un mic. J'crache mes phrases et en direct, car besoin d'un mic. Lâche pas trop, mais si tu testes, t'as besoin d'un mic. Besoin d'un mic, come on, besoin d'un mic. J'ai pas besoin de faire ci, encore moins le temps de faire ça. J'ai pas besoin de me farcir de taf, j'dois faire mes fers arts. J'peux pas rester immobile, posé, sourire comme une pin-up. Je testais si possible. Rap est passé comme les beatnuts dans les boîtes club bottom. Rien que les bonnes prods. J'sais que ça plaît pas à tes potes, mais j'ai pas besoin d'être à la mode. J'ai pas besoin de rajeunir pour retrouver le berceau du hip hop pour ça. J'ai juste besoin de ce morceau. J'lâche des phases, on me dit mec, t'as besoin d'un mic. J'crache mes phrases et en direct, car besoin d'un mic. Lâche pas trop, mais si tu testes, t'as besoin d'un mic. Besoin d'un mic, come on, besoin d'un mic. J'lâche des phases, on me dit mec, t'as besoin d'un mic. J'crache mes phrases et en direct, car besoin d'un mic. Lâche pas trop, mais si tu testes, t'as besoin d'un mic. Besoin d'un mic, come on. Besoin d'un mic, j'lâche des phases, on me dit mec, t'as besoin d'un mic. J'crache mes phrases et en direct, car besoin d'un mic. Lâche pas trop, mais si tu testes, t'as besoin d'un mic. Besoin d'un mic, come on, besoin d'un mic. J'lâche des phases, on me dit mec, t'as besoin d'un mic. J'crache mes phrases et en direct, car besoin d'un mic. Lâche pas trop, mais si tu testes, t'as besoin d'un mic. Besoin d'un mic, come on, besoin d'un mic. Besoin d'un mic, check out the technique. Besoin d'un mic, besoin d'un mic, check out the technique. Besoin d'un mic, besoin d'un mic. Besoin d'un mic, check out the technique. Besoin d'un mic. Besoin d'un mic, check out the technique. Besoin d'un mic. Yeah. End of the week.